les playboys, les don juans, les tombeurs, nous qui volons vos femmes, vos filles et vos sœurs. Il nous suffit d'un sourire pour les séduire. En plein soleil, une fille d'or étalant ses cheveux blonds sur un voilier qui rentre au port. Elle est à nous si nous voulons. Nous, les playboys, les don juans, les tombeurs, nous qui volons vos femmes, vos filles et vos sœurs. Il nous suffit d'un sourire pour les séduire. Sans la regarder, il est pas mal votre bateau. Tu peux être sûr qu'elle va marcher. Et puis tu l'amènes au dodo. Nous, les playboys, les don juans, les tombeurs, nous qui volons vos femmes, vos filles et vos sœurs. Il nous suffit d'un sourire pour les séduire.